Salut, c'est Projet Morse. Oui, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait exactement? Bon, écoutez, moi je vais vous dire comment je dis, on lui enlève les cocoyes. Les cocoyes. Et puis voilà. Et c'est tout bonnement ça. On le chasse, c'est très douloureux, ça fait très mal, mais ça fait devenir une bête telle que c'est. Et alors on le fait à quel âge? Il y en a de bien plus beaux. On le fait tout un peu. petit. Tout petit. Oui, bah alors ils ne se rendent pas trop compte que ça leur fait Non. mal. Eh bien, il nous faut pas mal de choses. C'est-à-dire de l'armagnac, du jambon, du bon jambon. Oui. Un joli foie gras. Ah, foie gras, je vous arrête tout de suite. Un foie cru. Un foie cru, un foie frais, on appelle. De canard ou d'oie? Nous, on fait avec du foie de canard. Et vous trouvez le goût plus fin. Mais bien sûr. Ensuite. Après, il faut de l'oignon, il faut de l'ail, Oui. il faut de l'échalote, de la graisse, du beurre. Et puis là, il faut pas mal de petites Alors, choses. pour l'accompagner tout à l'heure, nous ferons, vous m'avez dit, des pommes dauphines, Oui. de l'oignon, On va finir un par petit mettre peu d'échalote. Il faut un peut-être peu que vous plus me de donniez un peu jambon. plus de jambon. Il y Un en peu avait plus. déjà, mais il faut peut-être en mettre un peu plus. Oui. Voilà. Le jambon ne gâche rien. De l'armagnac, mais vous Pour lui n'avez qu'à, donner vous aurez bon fini, goût, bien hein. sûr. Du poivre, Oui. bien entendu. Du sel. Oui. Voilà. On va mettre là-dedans 125 grammes de beurre. Oui. Alors 125 grammes de beurre, c'est à peu près ça. Oui, bien sûr, c'est une petite plaque, Voilà, une l'équivalent d'une petite petite plaque de plaque. beurre. 300 grammes de farine. Ça va faire d'horribles grumeaux, non? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout? Non. Alors vous pouvez y aller, moi j'ai fini, Oui, là, ça c'est y est. bon. Oh, oui, c'est bon. Voilà. Ah, on va dire bon, lui couper la tête. Ah, oui. Parce que la tête nous gênerait, évidemment. Alors, on va lui couper la tête. Ce poivre Oui. petit. Voilà. Voilà. Oui. Et voilà. Là. Et voilà. Je vous enlève les yeux, vous ne les aimez pas, je sais. Eh oui, il est gros. Là, regardez-moi, il n'y en a pas trop. Très Il est bien. joli. Très, très Eh bien. bien, voilà, on n'a plus que le travail à faire, le plus important. Je vais me le tourner. Voilà. Eh bien, on va la brocher. Voilà la broche. Oui. Par le derrière. Toujours. Toujours. Ça, c'est le plus dur, parce qu'il faut que je me trouve le petit trou. le petit trou. Bravo, ça y est. Là, je pense que c'est là. Oui. Voilà, on Très va bien. mettre Là, on y met notre D'un seul farine. coup, d'un seul. D'un seul coup. Voilà. Ah oui, il Oui, faut avoir des moi. bons bras et bien tourner, là. C'est le cas, hein. Vous me les cassez. Voilà, et on remue. Je continue? Non, non, non, non, non, il faut que cela soit absorbé. Voilà. Et là, vous n'allez pas la louper. Voilà. Elle est belle. Oui. Voilà. Là, regardez. Là. Ah, elle vient toute seule. Bien sûr, là, voilà. Eh bien, c'est terminé. Là, il ne faut pas 2 heures. Hein. Bon. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez mélanger ça alors Je vais les touiller. Les touiller. Alors, moi, je parle à ma façon. Hein. Oui, bien sûr. C'est gascon, ça. Exactement. Là, voilà, on les mélange. Là, il faut faire doucement, quoi. Oui. Parfait. Là. Ça passe tout seul. Eh bien, ça y est. Il faut on ne se regrette jamais rien. Avec non, vous, il alors. Ne faut pas. Il ne Oui. faut pas le regretter. Parce qu'on le. Oui. Vous faites On me bien dit quand même toujours, aller vers le bout. j'en mets trop. Et... Mais non. Il faut ce qu'il faut quand même. Il faut ce qu'il faut. Voilà, pendant ce temps, on a des petits grésillements derrière, nous, qui ne sont pas antipathiques. Hein. On va commencer à prendre une jolie couleur. Oui. Voilà, ça suffit? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, il y en a assez. Assez ou C'est encore bon, un il y en a peu? assez. Non, non, non, non, non, C'est non, bon. non, il y en a assez. Il faut qu'elle soit chaude. Oui. Mais pas quand même fumante, brûlante. Là, je crois qu'elle frissonne un petit peu. Elle est comme il faut. Eh oui, parce qu'il va falloir, j'imagine, que ça gonfle, cette affaire-là, non? Il faut que ça gonfle, oui. Voilà. Là, voilà. Alors là, pour le gonfler, il y a un petit truc, un petit secret. Oui. Il faut prendre une cuillère. Bon, la... la... Oui. Et après, vous trempez la cuillère propre dans l'huile. Là. Oui. Et vous la mettez comme ça. Et vous retrempez votre cuillère. Elle reste toujours propre. Et vous retrempez aussitôt. Et voilà. Et alors là, c'est pareil. Même opération. Et regardez, elle commence à rire toute seule, là. Oui. Toute légère et toute gonflée d'air. Hein. C'est bien ça qui est bon. Bien hein. sûr. Vous me les cassez, là. Allons le voir un petit peu. Oh, Maïté. Très joli, hein? Très joli. Il est tout à fait prêt? Non. On va Pourquoi? Le finir. On va le finir au cocuron maintenant. C'est-à-dire? Voilà. Alors, on va prendre notre petit cocuron. Oui. Oui. Et puis, on va y mettre notre gras de jambon. Et puis, Ouh, ça y est. Et ça flambe. Et ça flambe. Et regardez le jus qui coule. Et ça va bien arroser. Et ça va lui donner le goût du jambon. Qui continue à tourner tout voilà. tranquillement. Voilà, regardez ça, cette peau croustillante. Et puis, c'est pas dégueulasse, comme on dit. Ça doit donner un fameux goût, oh là là. Ouais, c'est joli, et si ça va être bon, ouais, ça, c'est alors. Délicieux, ça. Ça, ça donne un parfum. Il y a bon jus là en dessous, ouais. On pourra utiliser après au moment où on le servira. Oui. Magnifique. Oui. Là. Et puis, si vous voulez essayer, FR3 Aquitaine désormais publie les recettes de la cuisine des mousquetaires en cassette vidéo. Oui. Vous pouvez les demander. Oui. Et quant à nous, Maïté, on continue? Voilà, on continue. À bientôt. À bientôt, au revoir. Et au revoir. Oui. Hello, everybody. It's Santa here to say to you all, have fun. Lots and lots of jolly fun. Que le Père Noël n'existe pas. En fait, il y a deux raisons. Tout simplement parce qu'il commence à devenir grand et qu'il va commencer à se poser des questions aussi. Alors, qu'on dit qu'il est grand, en fait, souvent, la plupart du temps, c'est quand il est au CP, voire même au CE1. Parce qu'en fait, les enfants commencent à discuter déjà de la liste au Père Noël et c'est là, justement, où tu as des camarades ou bien des parents aussi, d'autres enfants qui commencent à raconter que le Père Noël, tout simplement, n'existe pas. Et aussi parce qu'il commence à devenir trop grand et donc il est temps de mettre fin à ce moment d'usurpation. Voilà. Alors, voici trois manières d'expliquer à ton enfant que le Père Noël n'existe pas. Il y a tout d'abord la manière douce, à savoir lui poser la question de manière indirecte, notamment pour semer des petites graines dans sa tête, pour qu'il commence à réfléchir, à penser que justement le Père Noël n'existe pas. Et donc ça peut être des questions du type « Et toi, est-ce que tu crois encore au Père Noël ? Est-ce que toi, t'en penses quoi ?» Exactement. Donc, Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est la méthode de Charity Hutchinson. C'est pas elle qui l'a inventée, mais c'est elle qui l'a surtout démocratisée. Et en fait, c'est là où on permet de sensibiliser l'enfant, justement, ben, au fait de devenir meilleur, devenir bon envers les autres. Et donc, pour les enfants qui se sentent prêts, voilà, ils peuvent devenir eux aussi un Père Noël et faire du bien, justement, à quelqu'un d'autre en lui offrant un cadeau sans avoir à attendre quelque chose en retour. Et donc ça, ça permet justement d'éveiller, de faire grandir l'enfant de cette manière. Et la troisième méthode, c'est bien entendu, eh bien, tout simplement, la méthode directe, c'est lui dire, eh bien, voilà, pour moi, ça s'est passé comme ça, etc., etc. Il faut y aller doucement. Parce que l'enfant ne se sente pas dupé, justement, pendant toutes ces années. Il faut avoir pas mal d'empathie et de compassion avec son enfant qui passe le pas. Et c'est un grand pas pour l'enfant, justement, de voir que le Père Noël n'existe pas. Et le dernier point de cette vidéo, c'est tout simplement de ne pas culpabiliser. Et ouais, les enfants n'en veulent pas à leurs parents de leur avoir dit que le Père Noël n'existait pas. Donc, on se calme et tout va bien se passer. Voilà, il suffit juste de prendre les bons mots, de voir comment son enfant réagit pour lui annoncer la nouvelle. Après, ça se passe bien. Et généralement, en fait, ça fait même preuve chez les aînés, justement, d'une certaine maturité. Et eux deviennent grands, en fait, à leur tour et permettent de conserver le secret envers leur petit frère ou leur petite sœur. Donc ça, c'est vraiment une complicité après qui s'instaure avec entre les parents et les enfants. Et voilà donc comment annoncer à ses enfants que le Père Noël n'existe pas. Donc si ces conseils t'ont intéressé, surtout n'hésite pas à t'abonner. À très bientôt, ciao. Et si nous parlions de l'art contemporain, et si les sculpteurs, les ne peintres parlez pas de ça, d'aujourd'hui... Vous allez rendre malade. Mais pas du vous tout. Vous avez dit quoi, art contemporain? Mais pas du Mon tout. Dieu. Au contraire, vous avez vu sans doute, alors je ne sais pas s'il faut l'appeler le sapin de Noël ou le plug anal, pardonnez-moi d'employer cette expression. Il faut demander la définition à Éric Zemmour du plug anal, je serais assez amusé. Alors, j'ai découvert ce que c'était. Alors, c'est donc, bien, c'était a... un, comment dire, une sculpture gonflable, non pas aux Invalides d'ailleurs, mais Place Vendôme, juste à côté de... C'est à côté de Bonaparte, en plus. Ce qui vous a fortement irrité, bien évidemment. Bien sûr, évidemment. Alors, avant que vous nous donniez votre avis là-dessus, et d'une manière générale sur les artistes, je vous parlerai de Pierre et Gilles, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre et Gilles. Mmh. Ah, ça est très intéressant. Écoutez, un petit micro-trottoir de Parisiens qui, simplement, ont vu ce plug anal. C'est une provocation et ça a une... Il y a une idéologie derrière qui émane, qui n'est pas très sain. Enfin, moi, je ne suis pas pour. Moi, je ne suis pas pour. Là, on veut mettre un plug anal Place Vendôme. Bon, est-ce que c'est vraiment de l'art pour autant? C'est ça qui me gêne un peu. C'était visiblement pour exprimer un arbre de Noël avec des guirlandes au milieu de la... C'est ce qu'avait dit l'artiste. Voilà. Bon, maintenant, après, chacun en fait son interprétation. Moi, personnellement... Si on parle d'un plug, ça m'amuse beaucoup et je trouve ça très marrant. Puis s'il est vert, il est écologique. Alors, au-delà de ce cas d'espèce, ce qui est intéressant, c'est est-ce que l'art a quelque chose à dire? Est-ce que ça révèle l'époque? Ce qui révèle Nicolas l'époque... Nicolas de Ménac. Ce qui révèle l'époque, c'est que face à ce type de manifestation artistique ou à prétention artistique, peu importe. Ah non, mais pas peu importe, justement, on est au cœur. Parce que je veux dire, qui vous êtes pour dire que c'est de l'art, que ça n'en est pas, etc. Quand Duchamp faisait, le surréaliste faisait son urinoir, est-ce que c'était de l'art, est-ce que ça n'en était pas? Et moi, je vous pose la question. Quand on a fait la Tour Eiffel avec ses jambes largement écartées, il y a des maboules encore réactionnaires, obscurantistes, qui ont dit c'est un scandale, c'est une provocation sexuelle, il faut la faire sauter. Je veux dire, de tout temps, quand on a fait la pyramide du Louvre, vous avez eu les humoristes de l'époque qui ont dit c'était une atteinte à l'esprit romain. royalistes du lieu à la France profonde, etc. Mais et donc, si vous voulez, la réaction démesurée d'avoir frappé l'artiste et de l'avoir explosé son œuvre, je veux dire, ça me semble débile au moment même où il y avait l'inauguration de la FIAC, il y avait l'inauguration du musée formidable Vuitton, au moment où on réouvre le Louvre, on monte la puissance, la vitalité française, contrairement à ce que raconte les Billevesées, déclinistes de Zemmour, on a cette manifestation extraordinaire, ben, il y a les bras armés du zémourisme qui, soit ici, soit à Yange, vont repeindre une œuvre parce qu'elle n'est pas suffisamment de couleur qui leur convient. Veut dire. C'est cette espèce d'obscurantisme en marche, c'est ça le danger. Oui, ça, oui, ça dit quelque chose. Alors, moi, je vais vous dire, je vais exclure tout de suite l'agression contre l'artiste. Qui est Paul stupide, McCartney. Voilà, qui est stupide et que je ne approuve évidemment pas. Maintenant, pour tout le reste, je suis assez content parce que je trouve que les gens cessent d'être comme des lapins dans les lumières des phares face à cette escroquerie qu'est l'art contemporain, face à cette fumisterie qui révèle tout à fait l'époque. Vous avez une très bonne question. Vous avez posé une très bonne question parce que ça révèle l'époque, un, de la vacuité, deux, de la Jésus-Christ est fait. Que ça ne s'est pas fait jusqu'à présent encore. Oui, bien sûr, enfin Noël, c'est Noël. La joie clown, Noël, c'est la joie des enfants, c'était fait pour aller ensemble. Voilà. Seulement voilà, je ne viens pas du ciel. Noël de clown dure indéfiniment. La joie de Noël ne dure qu'un moment. Noël de clown, souvenir captivant. La joie de Noël, souvenir émouvant. Noël de clown, vaut bien joie de Noël. J'ai mon secret comme Polichinelle. Je suis aussi un peu le Père Noël. Seulement voilà, je ne viens pas du ciel. Noël de clown vaut bien joie de Noël. Noël de clown vaut bien joie de Noël. Noël de clown vaut bien joie de Noël. Bonjour les enfants, c'est nous les chatons. Venez avec nous, on va danser, on va chanter, on va s'amuser avec un merveilleux disque des plus belles chansons de Noël. Le plus beau des cadeaux, c'est le Noël des chatons. Non, nos pensées vers ceux qui, dans le blizzard et le froid, combattent pour protéger notre vieille civilisation d'une totale désagrégation. Pour que le matin de Noël, le visage de leur tout-petit reflète un peu de joie, ils travaillent. Et avec quelle tendresse! Émouvant échange. Des millions de colis sont envoyés vers les petits postes perdus aux frontières de l'Europe. Pensons surtout de tout notre cœur et avec quel déchirement à nos absents, aux êtres chers qui dans les stalags et les oflags vont vivre leur quatrième Noël. Pensons aussi à nos ouvriers qui seront loin de leur chez eux, loin de leur pays, en ces heures où il fait bon être dans la chaude intimité du foyer. Mais combien de ces foyers sont aujourd'hui détruits? Ces enfants ne pourront-ils mettre leurs souliers dans la cheminée? Le Secours National a pris la place du Père Noël et chaque enfant de France aura son jouet. Les jeunes des équipes nationales n'ont pas épargné leur peine. Des milliers de jouets ont été fabriqués par eux. Noël de recueillement, Noël d'espoir aussi. Jusque dans les plus petits villages, les âmes communient dans la même pensée. Ici, en Savoie, c'est la présentation de l'enfant Dieu. Là, les bergers de Provence, portant dans leurs bras la plus jeune brebis du troupeau, vont s'agenouiller devant la crèche, renouvelant le geste des bergers de Palestine. Attardons-nous maintenant dans cette petite église de Bretagne, où l'âme celtique s'exhale avec toute sa ferveur, toute sa rudesse et toute sa grâce aussi. Ennos vez mawegan edor zalver e krawit Bethlehem, et isken nas varandouar, ur vues agar fif burzudus. La danse des bergers bretons n'a lieu qu'une fois l'an au pied de l'autel. J'aimerais bien avoir un flipper en batterie, des outils. Et si on te fait un gâteau? Je serais déçu parce que ça dure pas assez longtemps. Je fais qu'une journée. Mais sais-tu que tes parents n'avaient peut-être que cela, alors ça ne te paraît pas beaucoup? Un flipper, des outils? Maintenant, il n'y a plus de choses aussi. Mais ça te paraît normal de recevoir tout cela à Noël? Oui. C'était pas trop? Non, quelquefois c'est passé. Qu'est-ce que tu souhaiterais avoir pour Noël? Une machine à écrire. Une machine à écrire, est-ce que ça ne te semble pas un bien grand cadeau? Oui. Si tu avais un gâteau ou un fruit pour Noël, tu serais déçu? Pas tellement, mais je voudrais avoir d'autres choses avec. Si tes parents t'offraient des gâteaux ou des fruits à Noël, est-ce que tu serais contente de ce cadeau? Non, parce que... on est habitué à plus de cadeaux à Noël, des jeux. Des choses qui valent beaucoup plus d'argent que de simples fruits? Oui. Et est-ce que tu peux imaginer qu'il y a 50 ans, tes parents n'avaient peut-être qu'une orange, n'en mangeaient peut-être que ce jour-là dans l'année? Alors ça ne te paraît pas beaucoup aujourd'hui? On est peut-être trop gâtés. Tout de suite que dans le temps. Que dans le temps, les personnes n'étaient pas riches. Alors, ils achetaient quelques fruits pour les enfants. Et si ta maman passait son dimanche ou son lundi à te faire des gâteaux pour ton Noël, est-ce que tu en serais contente? Ben, Je voudrais bien des gâteaux, puis quelques jeux aussi. Mais les gâteaux, ça ne te suffirait pas? Non. Si sous le sapin, tu trouvais un fruit, un gâteau, un petit jouet quelconque, est-ce que tu en serais content tout de même? Oui. Oui. Ça t'est égal, finalement, ce qu'il y aura sous le sapin? Qu'est-ce que tu souhaiterais avoir pour Noël? Un appareil à photo. Et si tes parents t'achetaient une orange? Je crois que je serais pas content. Pourquoi? Parce qu'on a été habitués à avoir beaucoup de choses, des jeux, tout ça. On n'a jamais été habitués à avoir une orange. Ça te paraît bien peu de choses aujourd'hui? Oui. Vous m'avez dit qu'un gosse aujourd'hui recevait plus à Noël que vous lors de votre mariage. Oh, bah, y a pas d'erreur, ça. Y a pas d'erreur. Même pour un mariage à l'époque, on nous donnait quelques ustensiles ménagers, c'est tout. Mais maintenant, on offre aussi bien, même pour une petite communion ou même pour un Noël, on offre aux enfants des calculatrices électroniques, par exemple, ou des objets semblables, une valeur même qui dépasse la limite. Notre page spéciale Noël avant le réveillon de demain soir. Hier, nous vous parlions de la préparation de Noël dans une famille de catholiques pratiquants. Aujourd'hui, Marc Maisonneuve et Jean Cornu nous emmènent dans les Cévennes, berceau de la communauté protestante. Et pour les protestants, Noël est une fête religieuse importante, bien sûr, mais elle n'est pas la plus importante de l'année. Yvon Rossel est apiculteur. Sa famille est installée dans les Cévennes depuis plusieurs générations. Ce cimetière familial date de la période où les protestants impurs ne pouvaient reposer à côté des catholiques. Sa maison est en bordure d'une route inscrite dans l'histoire du protestantisme, les persécutions lors des dragonnades. Elle servait au XVIIe siècle, pourtant ici on n'a pas oublié. Ça date de plusieurs siècles, mais il n'empêche pas moins que ces souvenirs, s'ils se sont estompés, n'ont été pas moins quand même, disons, racontés, disons, de génération en génération. La mémoire d'un peuple persécuté à cause de sa foi, n'est-ce pas, laisse psychologiquement des traces dans la vie des générations qui suivent. À Saint-Jean-du-Gard, le protestantisme est le culte majoritaire. Noël est un temps fort de l'année pour les 500 foyers protestants, même si on refuse le goût de l'apparat des catholiques. Ainsi, il n'y aura pas de crèche ce Noël, mais une fête qui s'appuie strictement sur la Bible, le livre dont on apprend très tôt la raison d'être. Quand ils ont pu lire la Bible, ils se sont rendus compte que c'était pas tout à fait comme on leur avait indiqué. Alors ils ont protesté. À la veille de Noël, souvenir de Jésus. Pour la plupart des chrétiens, chez les protestants de Saint-Jean-du-Gard, on refuse l'idée de faire partie du dernier groupe d'irréductibles. Et si on évoque aussi la vivacité du souvenir des persécutions, on refuse leur caractère sacré. Même si cette mémoire-là a un musée, celui du désert. Est-ce que tu peux faire passer une journée à Disneyland avec ta maman ou une soirée avec Mia Khalifa? Qu'est-ce que vous faites, vous, ici, là? Alors, ici, on essaie de travailler, quoi. C'est vrai? Ouais. Vous tenez un restaurant, c'est ça? Non, je me tiens sur toi, quand je viens. Allez, c'est pas vrai. Viens. On n'a pas le droit de danser. D'après moi, on n'a pas le droit de danser. Alors, mes amis, Inch'Allah. Bégouze, y'a Mia et y'a le Père Noël. Si vous êtes Patrice, vous aurez du charmant. Toute l'année, on attend Noël. Je souhaitais pour un seul but, obtenir la thune. Bégouze, mon frérot, un mot sur Noël, mon frérot? Un ou deux? Trois. Allez, quatre. Cinq. Allez, sept. Écoute-moi, à Marseille en ce moment, ça va. On a gagné hier contre le Lokomotiv Moscou. On s'est qualifié pour une coupe qui est en bois. Je t'ai quand même posé une question sur Noël. Toi, tu me parles de l'OM. Ah, tu me parles de l'OM, non? Je t'ai parlé de Noël, moi. Noël? Bah ouais, Noël. Je t'avais dit l'OM, moi. Monsieur Monsoir, excusez-moi de vous déranger. Un mot sur Noël? Un magnifique marché Noël qui demande, entre guillemets, à grandir et à s'octroyer dans le meilleur des mondes pour que Marseille ait un vrai marché Noël indépendant et privé. Moi, je trouve que c'est une fête dégueulasse de la consommation. On achète des tas de merde qu'on n'utilisera pas ou qu'on va revendre. Voilà ce que je pense. Un mot sur Noël, mon frérot. Ça passe. Kamasoumax. Sur quoi? C'est sur quoi? C'est sur quoi? C'est sur qui? Merci. Merci. Oula. En fait, toi, tu t'en fous de la vie. C'est absolument faux. Alors vas-y, qu'est-ce qui t'intéresse toi dans la vie? Ce qui m'intéresse, c'est le bruit de l'écume qui frappe les rochers de la digue, ou l'infinie nuance des couleurs du soir au moment du coucher du soleil, ou le dégueulis d'un clodo dans l'égout un soir d'ébriété. Le dégueulis d'un clodo? Ouais. Et donc tu trouves ça beau? Ouais, il y a quelque chose de fascinant dans ce genre de scène. Genre quand il est là en train de vomir ses tripes, quoi. Ouais, c'est un tableau. On est quand même passé de Noël à quelqu'un qui est en train de vomir, d'accord. Bah pourquoi pas. Ça a changé Noël. Ouais, c'est plus ce que c'était. Hein? Ah bah sous ta fusion. Un mot sur Noël? Bon Noël. Bon Noël à tous. Et surtout de bonnes ondes. Pour vous tous. Qui êtes jeunes et qui faites l'avenir. Est-ce que tu penses que le variant Omicron va gâcher nos fêtes? C'est quoi le variant Omicron? Tu vis dans une cave ou comment ça se passe? Non, pas du tout. Il est moins virulent, paraît-il, par l'OMS. Est-ce qu'il va gâcher Noël? Qu'est-ce que ça évoque pour toi quand je dis... Bah j'espère qu'il va gâcher Noël, ton variant Omicron. Pourquoi? Je sais pas. Et d'accord, et donc du coup, tu souhaiterais que le variant détruise Noël? J'en sais rien. Après, si ça fait plaisir aux gens, tant mieux. Qu'est-ce que t'étais en train de faire là? Je t'ai vu que tu dansais un peu. Pas parce que j'adore la danse et je... Tu veux pas qu'on danse un peu? Là, il va faire une story pour nous, Kamasumax, si t'es chaud. Dédicace à Kamasumax. Vas-y, vas-y, vas-y. Une belle dédicace à Kamasutra. Chante, chante, chante, chante. Vas-y, danse, danse, danse. Envoie le freestyle. Rentre dedans, rentre dedans, rentre dedans. Oh là! C'est son moment. Le casque. Le casque, on s'en fout. Écoutez, j'ai un petit jeu à vous proposer, monsieur. Le premier jeu, c'est quoi? C'est un petit quiz sur Noël de 9 questions. Selon la gueule de la personne, j'accepte 2 fautes. Regardez-moi. Ouais. J'en accepte 0. Du coup... Oh, j'ai les mains moites, ça y est. À la gagne, vous gagnez une voiture, monsieur. Non. Il y a possibilité de gagner une voiture. En plus, ouais. J'ai compris, tu vas me sortir une voiture miniature. Allez, vas-y, non, on y va. Non, non, non. Tu as gagné une mini, elle est comme ça. Non, tu crois quoi? Tu crois que moi, je suis un connard comme ça? Pas du tout. Frérot, si je la gagne, la mini, je la donne. Pour une offre caritative, c'est bon? Allez, c'est bon. Voilà. On commence par la première question, mon frérot, t'es prêt? Allez, je suis prêt. Vas-y, dis-nous un top. Un top quoi? Allez, c'est parti. Qui est l'ancêtre du Père Noël? Le Père Noël. L'ancêtre? Bah le grand-père Noël alors. Kostas Mitroglou. Qui ça? Kostas Mitroglou. Qui ça? Kostas Mitroglou. Le joueur de l'OM, il a la même barbe. Je crois que c'est son père moi le Père Noël. Saint-Nicolas. Bonne réponse. Bonne réponse, c'est ça exactement, ça rime avec Saint-Nicolas, exactement. Ben, c'est le même. C'était pareil. C'est cousin Germain à lui. Hein. Combien est-il de rennes qui tire le traîneau du Père Noël? Normalement, il y en a 7. 6. 6. On va dire 6. 2. 12 rennes. Bingo ça. Je te le dis. T'es sûr? Ma foi. 9. Ben, j'étais à 3 près. Pourquoi le Père Noël n'est pas noir? Pourquoi il n'est pas noir? C'est pourquoi? Parce que c'est une ordure. Parce que c'est une ordure. Ah, je suis une ordure, moi? Hein? Non, moi, je suis une ordure? Non! Je ne rentrerai jamais avec cette tête de veau. Il faut te combattre. Mais c'est normal, ça. Quand elle fait des bêtises, je la corrige, c'est l'amour. T'es pas en sucre, non? Mais n'écoutez pas, monsieur Dan, il manque comme un arracheur dedans. Tiens, l'autre fois, chez Roger, il a voulu me faire passer par le vide d'ordure. Il voulait me friser les cheveux avec le fer à souder. Mais c'est très dangereux, ça, Félix. Mais oui, Thérèse, il est drôlement dangereux. Il a mis ma télé à la consigne, il a bouffé le ticket. Bon, monsieur, ça n'est pas l'armée du salut, sortez. Non, mais c'est des querelles d'amoureux, ça. Vous êtes marié, vous êtes jamais disputé avec votre femme, vous? Oui, mais jamais à coup de fer à souder. C'est parce que vous êtes pas bricoleur. En tout cas, Félix, il ne reste pas moins qu'elle ne veut plus vous voir. Parce que encore, on était dans les bras l'un dans l'autre, à roucouler comme deux pigeons qui s'aiment d'amour tant. Félix, joyeux Noël, fait. Il m'appréciait énormément. Mon garçon, on ne travaille plus ce soir. Ce soir, c'est la veillée de Noël. Can I buy your ham? Pardon? Your ham. You see, it's the last one. And my daughter Blair, see, she's coming home all the way from Peru and... Hickory honey hams are her absolute favorite, and I'd like to buy it from you. No, it's not for sale. But she's in the Peace Corps, and I'd be willing to pay anything above sticker price. Par contre, je serai là pour Noël. Tu dis toujours ça, mais t'es jamais là. Tiens, sa liste pour le Père Noël. C'est quoi ça? Elle veut que son père y soit comme le papa dans le film. Grand concours de patinage de Noël. Le gagnant remportera 50 000 $. C'est la somme qu'il nous faut pour sauver la maison. Vous comprenez maintenant pourquoi Noël est ma fête préférée. Il se passe toujours un miracle. Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre une célèbre chanson de Noël, Carol of the Bells. Il est connu partout dans le monde et il est écrit par le compositeur ukrainien Nikolai Leontovitch. J'ai préparé un arrangement pour l'apprendre avec mon fils et je vous l'offre avec un grand plaisir, la partition gratuite trouvée sous la vidéo. On commence ? On approche de Noël. Et qui dit Noël, dit pull de Noël. En plus, celui-là, il fait de la musique. Vous, vous avez peut-être un pull plus moche que le mien. N'hésitez pas à nous l'envoyer. L'adresse est en dessous. Joyeux Noël à toutes et à tous. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des couleurs de la Bible. L'homme de douleur est un thème artistique qui montre le Christ supplicié et parle de toutes ses souffrances, notamment lors de la crucifixion. C'est une sorte de résumé visuel et symbolique des textes qui racontent la passion du Christ. Notre premier tableau a été peint vers 1430 à Venise par Michele Giambono. Le Christ se dresse dans son tombeau, les bras étendus, et sa croix est placée derrière lui. Il baisse sa tête, les yeux fermés et la bouche entrouverte. Il souffre. Pour Noël, je t'offre 10 000, 5 500 euros ou une surprise. Pour découvrir ton cadeau, envoie Noël au 71060. Les parents défendent les comptes des enfants. Et voilà. Mais à Noël, comme toute l'année, qui défend les comptes des parents ? Leclerc. Il n'est pas français, le Père Noël, mais il va comprendre, hein, parce qu'il a un lutin qui traduit les lettres. Et il s'est trompé une fois. C'était l'année dernière chez mamie, quand t'as reçu un bonnet à la place du poney. Mais le Père Noël, il a bien réglé le problème du lutin. Ah. Ouais. Leclerc. Le Père Noël, il passe par... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on... C'est par la hotte qu'il passe quand on n'a pas de cheminée. Parce que c'est ça, la hotte, en fait. Du Père Noël. On parle de la hotte. Le Père Noël, il passe par là. C'est bien fait, hein. Les parents défendent les comptes des... Leclerc. Ma ligne, je la dois à Népadrine. Pendant le repas. Un comprimé de Népadrine, et voilà. Népadrine, c'est malin pour ma ligne. Avec Aldi, les bons réveillons, c'est pour tout le monde. Même pour le Père Noël. Comment vas-tu, Maïlie? Bien. Comment s'appelle, maman? Cathy. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie, Cathy? Elle donne des médicaments aux médecins. Elle donne des médicaments aux médecins. Elle leur donne des wake-up et du speed, quoi. Maman, vous donnez des médicaments aux médecins? Je suis représentante pharmaceutique. Ah oui? Oui. Il y a quelqu'un dans ta famille qui a un magasin de jouets? Oui. Qui ça? Grand-maman. Ah oui, bonsoir, grand-maman. Bonsoir. Et comment ça s'appelle, votre magasin de jouets? Le coffre à jouets de grand-mère. Le coffre à jouets de grand-mère. Est-ce que vous avez attendu d'être grand-mère pour appeler ça le coffre à jouets de grand-mère ou vous étiez illégal pour un bout? J'ai attendu. Vous avez attendu. Est-ce qu'il y a des fournisseurs pour le Père Noël, elle aussi? Je ne sais pas. Ah non? Puis le Père Noël, il vient chez vous? Oui. Qu'est-ce qu'il fait quand il vient chez vous, le Père Noël? Il donne des cadeaux. Ah oui? Est-ce que vous lui laissez quelque chose au Père Noël? Oui. Quoi? On lui laisse du lait puis des biscuits. Est-ce qu'il boit au complet? Est-ce qu'il mange ses biscuits? Des fois non, des fois oui. OK. Puis y est-tu plus lait ou plus biscuits? Moyen. Moyen. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Au pays du Père Noël. Ah, c'est où ça, le pays du Père Noël? Pendant les vacances de Noël, mon téléphone reste ouvert pour les enfants et leurs parents. 08 36 65 65 65. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, weit dreht sich ein Blatt. O Tannenbaum, o Tannenbaum, weit dreh uns in dein Vater. Du grüßt nicht, nur uns zusammen sein, bei Tag und Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, weit dreh uns in dein Vater. Hitler, what's the matter, little guy? Satan, du Tannenbaum, I don't see dein Blatt. Oh, you don't have a Christmas tree. No, it's dein Dein to Winter, Finn's night. Hop! Donc, on va regarder qu'est-ce qu'il y a de beau. Oh, il y a plein de choses. Hop! Là. Donc, il y a la petite pâte de fruits, le petit chocolat. Merci, merci Laurence. Elle m'a mis de quoi faire de la fausse neige pour faire sur les cartes toutes les petites choses, la TC et tout ça. Donc merci beaucoup pour la fausse neige. Et il y a aussi un petit mot ici. Dans quel sens il faut le lire ? Ah. Alors, ce sont des découpes et elle me dit de faire attention de ne pas perdre les petits points car les petits points sont les points sur les i. Donc, c'est des découpes, je vais vous en faire voir juste une. Parce que je pense que c'est le même mot. Ouais. Donc, je vais vous faire voir une découpe. Comme ceci. Voilà, je fais très attention. Donc, elle m'a fait plein de découpes. Du mot merci. Alors là, vous allez pouvoir voir comme ça. Très jolie découpe du mot merci. Et elle me l'a fait dans plusieurs couleurs. Il y a du blanc, du noir, du jaune, du bleu et de l'argenté dans la pochette. Et il y a les petits points, il ne faut pas les perdre parce que c'est le point qui va sur le i. Donc merci beaucoup Laurence. Je ne souhaite pas beaucoup pour Noël. Il y a une seule chose que je veux. Je me fiche d'avoir des cadeaux sous le sapin de Noël. Je te veux pour moi tout seul, plus que tu ne peux le penser. Rends mon rêve réel. Ce que je veux pour Noël, c'est toi. Je ne souhaite pas beaucoup pour Noël. Il y a une seule chose que je veux. Et je me fiche d'avoir des cadeaux sous le sapin de Noël. Je n'ai pas besoin d'accrocher des chaussettes par-dessus la cheminée. Père Noël me rendra pas heureux avec des joujoux le soir du réveillon. Je te veux pour moi tout seul, plus que tu ne peux le penser. Rends mon rêve réel, tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Ce Noël, je ne souhaite même pas de la neige. Et je verrai celui-là à attendre en dessous de la branche de gui. Je ne vais pas faire de liste pour l'envoyer au pôle Nord. Je ne resterai pas debout pour entendre les reines descendre. Car je te veux ici ce soir et que tu me sers si fort. Je fais de plus, oh baby, tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Toi, rien, baby. Autant de lumière scintille tout autour de moi. Et les rires des enfants résonnent dans les airs. Tout le monde commence à chanter. J'entends les grelots teintés. Père Noël, m'apporteras-tu celui qu'il faut vraiment? Pourrais-tu m'apporter mon bébé s'il te plaît? Oh, je ne veux pas grand-chose Noël, c'est tout ce que je demande. Et je souhaite juste voir mon bébé debout sur le pas de la porte. Je te veux pour moi tout seul, plus que tu ne peux le penser. Prends mon rêve réel. C'est toi. Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Ouh, bébé. Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Tout ce que je veux pour Noël. Pour les grands, Noël commence dans quelques minutes avec le réveillon et l'image que l'on s'en fait. Huîtres, foie gras, dinde, bûches et champagne. Cela représente beaucoup d'argent et ce n'est pas forcément la certitude d'une soirée heureuse. Non, la leçon de bonheur de Noël, c'est un sympathique couple de personnes âgées qui va nous la donner ce soir. Ils n'ont ni champagne, ni foie gras, ni dinde et pourtant ils sont heureux, ou du moins, ils ne sont pas malheureux. Un reportage d'Alain Danvers. Le soir de Noël. Et vous allez manger quand même quelque chose de spécial? Non. Qu'est-ce que vous allez manger? Qu'est-ce que vous avez prévu, quelque chose? La soupe. Poireaux, pommes de terre. Un bout de fromage et des fruits. Les poireaux, pommes de terre, on ne mange pas que ça. Non, le soir. Des carottes. Le soir. Des navets. Oui, navets, pas des légumes, quoi. Et pour le soir. Et puis à midi, on peut acheter une petite tranche de filet ou une côte première avec des pâtes qu'avec on fait cuire mettre un petit peu d'anjou de la côtelette après, ça donne du goût. Et puis un petit peu de gruyère râpée dessus. C'est pas bien ça? Les prix, bon, ils ne sont pas énormément chers, mais vous savez, quand vous êtes à plusieurs dans une famille, il faut bien manger une douzaine d'huîtres. Bah, quand vous payez 2000 francs, une douzaine d'huîtres, vous êtes à 5-6. Ça fait quand même une somme. Et qu'est-ce que c'est qu'une douzaine d'huîtres? C'est rien du tout. C'est la valeur d'une pomme de terre comme ça. Pas de sapin? Pas du tout. Mais dans les réclames, il y a des vieux sapins, ça suffit. Quoi faire? Pour foutre le feu à la maison? Non. C'est bon pour celui qui a des gosses, mais nous, on s'attend à quoi ça représente pour nous. Rien du tout. Oui, mais pas, il manque quelques mois. Oh, ben, la fin de mai. J'en ai quand même plus qu'un. Le 30 mai. Hein, le 30 mai. Il est de 90. Je suis de 90, le 30 mai, le mois de mai. Il m'a vieilli. Ben, j'aurai 87. Alors, moi, je ne marche plus. Je ne suis pas comme les femmes qui ne veulent pas paraître son âge. Moi, j'ai pas honte de dire l'âge que j'ai. Vous avez préparé un petit cadeau pour votre mari? Ah ben c'est lui qui se fait lui-même. Et moi, je me le fais moi-même. Comme ça, on s'achète ce qu'on veut, réellement. Alors, c'est quoi les cadeaux ce soir? Ah. C'est quoi? Ben, je sais pas. Ben, il veut peut-être acheter un pull-over, lui. Et puis, moi, je sais pas au juste. Alors, le soir de Noël, vous allez regarder la télévision avec votre mari? On n'a pas de télévision. On n'en a pas. Alors, on écoute le copain, là. Le poste de radio. Vous allez écouter la messe de minuit dessus? Oh, ben, on écoute dans le lit. Vous n'auriez pas aimé habiter des amis? Mais on n'en a pas d'amis. On va chez personne. On va chez personne. Parce que tous ceux qu'on connaît, ils sont en famille. Alors moi, je veux pas déranger. Il y en a beaucoup qui sont seuls. complètement seule et dans des hospices de vieillards. C'est cela qu'il faut. Qu'ils n'ont personne, ils sont délaissés parce que c'est des incurables. Ils sont condamnés, quoi. Alors cela, oui, c'est à plein. Mais nous, ils sont des bourgeois. Il y en a beaucoup qui sont seuls. Mais nous, nous ne sommes pas seuls. On sont deux. Bon, c'est toujours quelque chose. Et c'est encore une fête quand on est deux, comme ça, à Noël? Oui, c'est une fête qui continue le plus longtemps possible. Et oui, le bonheur, c'est sûrement d'être deux, surtout un soir de Noël. Alors, joyeux Noël à monsieur et madame Binazzi. I heard there is no Christmas in the silly Middle East. No trees, no snow, no Santa Claus. They have different religious beliefs. They believe in Muhammad and not in our holiday. And so every December I go to the Middle East and stay. Hey there, Mr. Muslim, Merry fucking Christmas. Put down that book, the Koran, and here's some holiday wishes. In case you haven't noticed, it's Jesus' birthday. So get off your heathen Muslim ass and fucking celebrate. There is no holiday season in India, I've heard. They don't hang up their stockings, and that is just absurd. They never read a Christmas story, they don't know what Rudolph is about. And that is why in December I'll go to India and shout. Hey there, Mr. Hinduist, Merry fucking Christmas. Drink eggnog and eat some beef and pass it to the missus. In case you haven't noticed, it's Jesus' birthday. So get off your heathen Hindu ass and fucking celebrate. Now I heard that in Japan everyone just lives in sin. They pray to several gods and put needles in their skin. On December 25th, all they do is eat a cake. And that is why I go to Japan and walk around and pray. Hi there, Mr. Shintoist! Merry fucking Christmas! God is gonna kick your ass, you infidelic pagan scum. In case you haven't noticed, there's festive things to do. So let's all rejoice for Jesus. Merry fucking Christmas to you. On Christmas Day, I travel around the world and say, Taoist, Christmas, Buddhist, and all you atheists too. Merry fucking Christmas to you. Thank you, Mr. Han. Bonjour, bonjour. Oh, oh, oh. Et alors, les enfants, je suis heureux de vous retrouver. Tout va bien, vous êtes en pleine forme. Et vive les vacances de Noël bientôt, bien sûr. Eh oui, vous savez, j'ai fait une grande vidéo sur YouTube qui dure plus d'un quart d'heure. Et je vous raconte l'histoire de mes reines. L'histoire du beau sapin de Noël. L'histoire aussi de mes lutins. J'en ai des choses à vous dire. Alors si vous voulez, eh bien, en cliquant sur le lien, vous pouvez voir ma grande vidéo sur YouTube. Alors je vous dis à tout de suite sur ma vidéo. Et à bientôt les enfants. Oh oh oh. Un gros bisou à vous. Alors Nimrod signifie donc le rebelle, il était donc l'arrière-petit-fils de Noé, le fils de Couch, Couch premier-né de Cham, fils de Noé. Donc, qu'est-ce que je vous disais également, c'est que les Romains, donc on continue à fêter donc ce dieu de soleil, ce dieu Nimrod, hein, avec donc le Dei Natalis Sol Invictus, donc la fête du soleil invaincu. Donc vous imaginez, c'est la fête du soleil invaincu, c'est-à-dire que Nimrod est considéré carrément comme un dieu. Ensuite, donc, il y a une petite dérive qui s'est passée pour remplacer donc Nimrod par le culte de Mithra. Donc Mithra, cette femme avec un taureau que l'on peut retrouver d'ailleurs un petit peu partout. On peut le retrouver dans la finance aujourd'hui, encore de nos jours, ce taureau de la finance. Le taureau est un symbole représentant donc cette divinité du dieu soleil, représentée bien sûr par Satan. Et on retrouve ce taureau un petit peu partout, notamment comme je disais à New York, à Wall Street, hein, le grand taureau de la finance. Et également dans d'autres architectures, mais bon, je vais pas trop les m'étaler aujourd'hui. On va rester vraiment concentré sur la fête de Noël. Alors d'ailleurs aussi, ce que je voulais vous dire, c'est par rapport à la statue de Nimrod, on peut remarquer quelque chose qui est quand même assez incroyable, c'est que Nimrod portait dans sa main donc un petit renne et une branche également qui peut être assimilée donc à une forme de branche de sapin. Et on retrouve justement toutes ces choses aujourd'hui dans le catholicisme, hein, et donc notamment avec cette fête de Noël où on voit le Père Noël porter donc une masse de cadeaux et dans l'autre bras donc tout simplement ben, généralement une branche de sapin. Donc ça représente voilà le sapin et les cadeaux de Noël. Donc vous voyez qu'en fait il y a vraiment une forme, c'est vraiment relié et c'est vraiment assez incroyable. Donc Nimrod étant divinisé, on fête aujourd'hui comme je disais à travers Noël une fête cachée, une fête déguisée du dieu soleil, hein, donc d'un faux dieu, d'une idole. Et les gens, malheureusement, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que automatiquement, lorsqu'ils n'ont pas le Seigneur Jésus dans leur vie, lorsque on n'a pas Dieu, on n'a pas de relation avec le Seigneur, et qu'on participe à ce genre de fête, et ben on se met encore plus à défaut avec Dieu, parce que c'est une forme de glorification d'une idole, hein, donc d'un faux Dieu, donc c'est une forme de glorification entre guillemets du diable également. Et il faut bien comprendre que lorsque l'on fait de telles choses, on est en abomination aux yeux de Dieu. Non seulement le Saint-Coran et les historiens et les évêques chrétiens contredisent. Puis, qu'est-ce que la Bible dit à propos de ça? Elle dit que les bergers, ils promenaient leurs troupeaux le soir sur le terrain. Et si on regarde le 25 décembre, à Jérusalem, il faisait froid. Donc, ce n'est pas possible que les bergers se promenaient le soir. À l'extérieur, ce n'est pas possible. Puis, rapidement, si on regarde le Saint-Coran, dans le chapitre 19, verset 27, il est écrit qu'il est dit à Marie que si tu secoues le palmier, il y aura des dates qui vont descendre. Et donc déjà ça, ce n'est pas la date en décembre, c'est plutôt entre juillet et août où il fait chaud. Puis, encore une chose très importante, jamais Jésus ou ses disciples ont fêté l'anniversaire de Jésus dans sa vie ou même après. Donc cette attitude a été adoptée beaucoup après 300 ans, comme on vient d'entendre. D'ailleurs, c'est contesté, et même, vous l'avez très bien dit, par certains prêtres, mais également par les chrétiens orthodoxes qui ne reconnaissent pas Noël comme étant une fête chrétienne. Oui, il y a des chrétiens qui ne célèbrent pas Noël. Voilà. C'est halal de fêter Noël. C'est juste pour les cadeaux, tu vois, pour la belle ambiance, la belle décoration, même si tu n'y crois pas. Regarde, même Mohamed Salah, il a une photo avec un sapin de Noël. Est-ce que c'est permis de fêter Noël? Et la réponse à ta question, c'est que, bien évidemment que ce n'est pas permis, c'est haram. Tu es musulman, tu veux fêter une fête chrétienne. Bien évidemment que c'est pas permis. Même si c'est juste pour les cadeaux. Après, si t'es converti et tu vas voir ta famille, ça c'est une autre question, faut que tu demandes un cher. Et depuis, s'est répandue cette tradition païenne d'origine, puis adaptée par les chrétiens, comme l'avait d'ailleurs lui-même stipulé le pape Jean-Paul II à l'époque, en décembre 2004, en hiver. Il avait dit cette phrase-là, écoutez bien ce qu'avait dit donc Jean-Paul II à l'époque. En hiver, le sapin toujours vert devient la marque de la vie qui ne meurt pas. Ce symbole rappelle l'arbre de la vie, l'image du Christ. Vous entendez ? L'image du Christ. Ça veut dire que pour Jean-Paul II, qui était pape en 2004, il dit bien que de rentrer un sapin chez soi, c'est d'avoir le Christ à la maison. C'est l'image du Christ. On va voir la suite. Don suprême de Dieu à toute l'humanité, car patati patata, ça amène le shalom, parce que c'est le moment où on doit faire la paix, comme l'histoire des Hashmonaïm qui ont réuni le peuple au Beth Amikdash face à la lumière de la menorah. Donc, décalcage. Ainsi voulant dire que l'arbre de Noël réunit toute l'humanité dans la vie et dans la paix autour du Christ, Hashem Ishmor. Voilà ce que vous rentrez, tout simplement, non pas en vous disant qu'il est strictement interdit de rentrer un sapin de Noël à la maison, mais tout celui qui rentre un sapin de Noël rentre Bichla, l'image du Christ, selon la papauté, selon Jean-Paul II, qui le dit ouvertement, le sapin n'est autre que à l'image du Christ. Voilà ce que vous rentrez à la maison. Réfléchissez un petit peu. Nous ne croyons pas que les chrétiens fassent autant d'églises qu'ils veulent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent de leur vie, qu'ils rentrent ce qu'ils veulent à la maison. Ce n'est pas eux que je critique. Je vous explique en tant que juif, Alpi alacha, selon le Shulchan Aruch, selon la loi juive, Bechukolem, Lotelru, ce n'est pas simplement une coutume interdite, c'est un interdit extrêmement grave qui assimile l'âme aux cultures des païens. Comme c'est dur d'être juif à Noël, d'être un enfant du peuple d'Abraham, je peux pas chanter de cantiques ou décorer un bon sapin, parce que je suis pas comme les autres, c'est ce que disent tous mes copains. Mon peuple ne croit pas que Jésus-Christ soit le Messie. Je suis juif et je me sens seul à Noël. Hanouka, c'est bien. Mais pourquoi le Père Noël ne vient jamais chez moi? Pourquoi au lieu de jambon je dois manger de la carpe farcie? Au lieu de douce nuit je dois chanter des trucs en yiddish? Et c'est quoi ce délire là avec ces deux bougies? Je suis juif et je me sens seul. Je suis pas joyeux, je suis hébreu à Noël. Message reçu mercredi 05 décembre. Je t'appelle pour l'organisation de Noël. Ça va être un peu compliqué cette année. Oui, ton cadeau de Noël, du coup. Est-ce que ça va être un pull ? Est-ce que c'est autre chose ? 24 et 25, la maison sera pleine puisqu'on sera avec toute la famille de Chantal. Et ça fait 11 personnes. Et si vous vous rajoutez, ça fait 11 de plus, 22. C'est pas non plus le château de Versailles. Tu m'as parlé d'un costume de Power Rangers, mais tu m'as pas dit la taille. Je sais qu'il est tard, mais je t'ai envoyé des photos et tu m'as pas répondu. Pour ta mère, pour Noël, du coup, ils n'ont plus le bracelet. Donc, comme tu te souviens, elle voulait bleu de Prusse, or rose, mais ça, il n'y en a plus. Pour plus d'explications sur les fonctions disponibles, tapez 1. Donc, du coup, j'ai vu qu'il y avait vert jade, or blanc, ou sinon en or rose, mais bleuet. Pour passer au message suivant, faites le 6. Je vais acheter un bonnet Juventus à papy, un bonnet de la Juve. À mamie, je vais lui acheter des créoles. Avec mon argent, hein, j'ai bien dit avec mon argent. Mais comme on refait à Noël avec les autres petits-enfants le 27 au soir, est-ce qu'on décide que le Père Noël y passe une seconde fois ou est-ce qu'il dépose les cadeaux le 24 pour tout le monde en même temps? Parce que s'il passe deux fois, Nino, il a 4 ans, il va pas comprendre. Papa, désolé, j'avais pas précisé les Stan Smith. C'est les Stan Smith roses à la scie. Voilà, bisous. C'était pour savoir pour le cadeau de Noël de maman, je vais à Nature et Découverte. Et après, on fait un cadeau commun. Et 36, ça me va, mais pas au-dessus de 36. Oui, bonjour, c'est Colis Privé. Je vous appelle concernant votre colis Amazon. Je voulais aussi vous demander si pour Noël, je pouvais inviter Michel, ma copine, parce qu'en fait, elle est toute seule et que, voilà, les histoires de famille, ça ne marche pas très bien. Donc, comme j'en ai marre d'envoyer des SMS, j'espère que tu vas écouter ce message. J'ai appelé ta mère pour dire, mais attends, elle est folle, ta fille là. Où est-ce que tu vas chercher que je suis bourré en permanence? Je ne suis pas bourré du tout. Ce n'est pas parce que je bois un verre de vin ou deux verres de vin à midi. Quand tu n'achètes pas des verres de vin, je peux en boire 8 d'affilée sans être bourré. Alors, deux verres de vin. Message effacé. Écoute, je pense qu'on a trouvé la solution. Partant du principe que Fanny accepte de dormir avec sa grand-mère, mamie Jeannette. Chez mamie, moi, je ne serai pas là à Noël. Je vais partir chez Pascal en Afrique. Les Lilloises dans le canapé convertible du salon près du feu de cheminée. Ceux de Bordeaux dans la chambre du haut avec Martha dans un lit parapluie. La touche 7 vous permet de reculer et la touche 9 d'avancer rapidement de 7 secondes. Vous deux dans la chambre du piano et il ne reste plus que moi et Suzanne. Donc Suzanne dans le fauteuil convertible du bureau. Et moi si je prends un matin par terre à côté d'elle, mon sac de couchage, c'est bon. Tout le monde rentre dans la maison. Menu principal. Est-ce que je fais aussi des haricots blancs? Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait Noël, haricots blancs ou pas trop? Donc, du coup, moi, j'ai craqué sur un petit foie gras, j'ai craqué sur un petit magret local. Eh bien, pour Noël, on a pensé qu'on ferait une fondue savoyarde. Je voulais vous prévenir qu'on serait un peu moins nombreux parce que Juliane et Pierre seront sans doute pas là. Enfin bref, c'est la merde. Comme tous les ans pour Noël, de toute façon, c'est toujours la merde. On va finir par réveillonner en janvier. Hein. Putain, au moins, on ne sera pas emmerdé par la SNCF à Noël. Donc voilà, là, c'est un peu... Je ne sais pas à quelle heure j'arrive. Et c'est même pas la peine de venir chez moi. C'est même plus la peine. D'accord? On se verra au 1er janvier. Oh là là, c'est aussi bien comme ça. Bon, eh bien, joyeux Noël. Bisous, c'est Manu. Arte. Radio. Welcome. Jingle, jingle, jingle all the way. You got me spinning, bingle, bingle, bingle, dorgane. Think on me Christmas. Say, rent to ten, I'll be no presents, crossing up express. 추위만 거세 저장작 대신에 같은데 미끄럼기 더 귀찮은 더 막 땡큐 다가오라 힛김이 나오고 빨개진 코 겹겹이 껴입은 옷만 덮고 뭐가 부끄러워 에이 귀따가 부록 빨개져 내 보시하시는 무슨 눈에 김겼다 나는 퀄리티 고패트 오 피해가 피해가 폭설마저 패딩 괜찮으면 놀이터 추우면 춥다고 붙는 쟤네 때문에 눈꼴도 연락은 안 통 안 오고 대뜸 이벤트 문자만 오래 다 미워 Santa's coming for you Run, run, 끝까지 신이게 하는 all the day Silence, 별로 없는데 왜 그렇게 기다렸는지 Christmas Eve Autour des périodes de fête, en tant que psychologue, on peut voir le nombre de consultations augmenter significativement. Mais pourquoi donc ? Chers frigusiens, chers amis, au soir de cette année, à la veille du solstice d'hiver, je tenais à m'adresser à vous pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes de Noël. Ce que j'ai découvert pendant cette enquête, c'est un véritable système qui s'organise autour de la ville de Fréjus avec en son sein un maire, David Rachlin, le vice-président du Rassemblement National, accro à la fête, au service de son clan, rongé par l'affairisme et le clientélisme. Et tout ça, ça jette une lumière sur Fréjus, mais aussi sur l'exercice du pouvoir du Rassemblement National. Ce que nous retrouvons au cœur des fêtes, c'est cette chaleur humaine qui fait si souvent défaut à trop de nos compatriotes. David Rachine au Rassemblement National, il est surnommé la pie ou l'arbre de Noël. Tout ça en raison de son amour du luxe, des marques, de tout ce qui claque. D'autres m'ont dit aussi c'est une cagole, David Rachine. À l'heure de l'individualisme triomphant, faire preuve de solidarité et manifester un esprit de partage. On sait que David Rachine touche autour de 8 000 euros par mois. C'est un très bon salaire, mais c'est un salaire qui n'explique pas toutes ces montres de luxe ou ce train de vie absolument fastueux. En particulier vis-à-vis des personnes seules, âgées ou malades, me paraît essentiel. C'est pourquoi je vous encourage à vous rapprocher de celles et ceux qui souffrent pour leur manifester toute l'attention dont ils ont besoin. Dans son bureau de la mairie, qui a vraiment été pendant des années l'épicentre de soirées débridées et sans limite, à tel point que les administrés, les habitants autour de la place de la mairie de Fréjus avaient pris l'habitude de téléphoner au standard en plein milieu de la nuit de la mairie pour demander à ce que les nuisances sonores du maire cessent. Noël ne devrait être un moment de solitude pour aucun d'entre nous. Ce sera pourtant le cas, ne les oublions pas. Si nous voulons un pays, des villes et des familles apaisées, nous devons nous réapproprier nos valeurs fondamentales, telles que le respect, la fraternité, l'amour du prochain. Proche également de Jordan Bardella, David Rachine, c'est un historique du parti frontiste. Il est rentré au parti à 16 ans, il était absolument fan de Jean-Marie Le Pen, une sorte de père de substitution. Ce que nous retrouvons au cœur des fêtes, c'est cette chaleur humaine qui fait si souvent défaut à trop de nos compatriotes. À l'heure de l'individualisme triomphant, faire preuve de solidarité et manifester un esprit de partage, en particulier vis-à-vis des personnes seules, âgées ou malades, me paraît essentiel. C'est pourquoi je vous encourage à vous rapprocher de celles et ceux qui souffrent pour leur manifester toute l'attention dont ils ont besoin. Immigration, la victoire idéologique du RN est de plus en plus forte chaque jour, se félicite Bardella. Le Rassemblement national votera le projet de loi immigration si l'article permettant de régulariser les travailleurs clandestins dans les métiers en tension est retiré, a annoncé le président du parti sur France Inter. Les députés Renaissance et Républicains, LR, négocient. La gauche observe. Et le Rassemblement national jubile. L'étoile du Léon. Allez, vas-y, lâche-toi. L'étoile du Léon. Oh, big up le QLM. L'étoile du Léon. Écoute ça. Pardon, Jésus. Mais je suis malhonnête. On fait les fous. Et on sait faire la fête. Tu prends ton coup, prends ton coup, tu prends ton coup, prends ton coup, tu fais le fou. Fais le fou, tu fais le fou, fou, fou. Les temps marqués par nos prophètes, Seigneur, on s'accomplit. Ne tardez pas, car dites-le ce que ça prête. Devant l'ennemi, ne jamais courir. La fin, c'est Dieu qui donne ton sens. Aïe aïe aïe. Fim fim wakok. Fim fim. Aïe aïe aïe. Fim fim wakok. C'est Dieu qui donne ton sens. On a don grinding. First thing on a bowl like them. Full of gun, heavy clip, full of crocodile teeth. Everything get fucked when I reach. 16 born of white kill. Head tap, bust up and split. Split, say your bad pussy will run up and sit. Rest attentif, rest attentif, fait tout ça. Me say where you are, say back show. Retrouvez Noël en Ch'ti 1995 en vidéocassette. Autour des auteurs patoisans de la région, France 3 vous propose de revivre une cérémonie émouvante, souriante et chaleureuse. Pour tout renseignement, appelez le 05 13 2 3 4 5. L'appel est gratuit. Ah ah, la Noël ouais, sous pas fini. Noël en béambou, belle fini. Oh oh. Joyeux Noël. Bonne année. Yo, I would do fun you to trouble fin you, right? Joyeux Noël. Bonne année. Joyeux Noël. Bonne année. Merry Christmas. Happy New Year. Merry Christmas. Happy New Year. Joyeux Noël. Bonne année. Bonne année. Joyeux Noël. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year. Ma bagaille positive, nous besoin dans la ville. Joyeux, joyeux. Nous pas appeler personne bif, nous pas appeler personne triste. Joyeux, joyeux. À l'église, dis merci mon Dieu pour la vie qu'elle va. Alléluia. Priez pour maman, priez pour papa. Amen. Si je dis à envie, c'est parce qu'elle prend cao. Après c'est salbao, après c'est sacbao. 2017 fini, 2018 fini. Jusqu'à l'ongre une femme, gardez même 8 vini. M'pose bien relax, pour m'fon freestyle, joyeux Noël, on hit vini. L'argent 2018, relève m'nan téléphone, m'dis le fait vite vini. Joyeux Noël, joyeux, bonne année. Joyeux Noël, bonne année. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year. Joyeux Noël, bonne année. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year. Lorsque, comme moi, on revêt pour la première fois un habit de Père Noël, on constate d'abord que la réaction des enfants est très différente. Certains ont peur. D'autres sont particulièrement gentils. C'est le cas de Magid. C'est très gentil. Au revoir. Tu as commandé quelque chose au Père Noël? Oui. Qu'est-ce que tu as commandé? Une poupée qui chante. Tiens, le Papa Noël. Tu es sage? Si. Le Papa Noël? Si. Qu'est-ce que tu as commandé au Père Noël? La boule à pain. Tu l'aimes bien, le Père Noël? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont gentils, les Pères Noël. Pourquoi? Parce qu'ils apportent des cadeaux. J'ai demandé de tourner le disque avec les disques. Et tu vas l'écouter? Tu as écrit une lettre au Père Noël? Oui. Qu'est-ce que tu lui as demandé? Elle m'a pas dit la maman ce qu'elle a commandé. C'est ta maman qui commande au Père Noël? C'est pas écrit. Quand est-ce qu'il va t'apporter tes cadeaux, le Père Noël? Bientôt. Pour Noël? Oui. Tu l'aimes bien, le Père Noël? Oui. Tu me fais une grosse bise? Joyeux Noël, Magali. Merci Père Noël. Joyeux Noël. Père Noël? Enfants de par le monde entier, dont les pays sont en guerre plus souvent qu'en paix, je déclare la trêve pour quelques instants, en qualité de président des moins de 20 ans, même si mon État n'a qu'un ambassadeur qui s'appelle l'amour que j'ai dans le cœur, et même si mon sceptre n'est qu'un petit hochet, respectez-le car maintenant c'est Noël. là, ça va être la parade de Noël de Coutances, qui est en général toujours magnifique. Hein. Donc, distribution des bonbons à tous les enfants. Voilà. Oyez, oyez, Chambliens et Chambliennes, pour la fête, Chambly s'illumine. Concours de dessin des fêtes qu'il soit. Bienvenue au quartier d'Arbert pour cette décoration de sapin de Noël avec le Père Noël. Alors, Père Noël, tu es content, mais tu es en retard? Oui, je sais, j'ai fait tout ce que j'ai pu, François. Bah écoute, le temps d'amarrer ton traîneau flottant, je comprends bien. Allez, on vote sur mon ordinateur. Voilà, sur le téléphone portable. Pour Metz, plus beau marché de Noël d'Europe. Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens, notre ville, vous le savez, vous l'avez vu, se prépare depuis plusieurs semaines à ces festivités de Noël. Nous avons voulu, tout en faisant un vrai effort de sobriété, en réduisant par exemple l'importance des illuminations de Noël, nous avons voulu préserver un marché de Noël attractif avec une grande roue, une patinoire, de multiples activités qui se viennent de se dérouler tout au long de ces semaines et qui, je crois, ont beaucoup plu à la fois aux carolomassériens mais aussi à tous les visiteurs extérieurs. Il y avait bien 1000 âmes en fête samedi en fin d'après-midi à Milan. Alors que les lumières du manège tournaient avec les enfants qui s'amusaient, que le chaudron de la barbe à papa faisait des impatients, les enfants chantaient Petit Papa Noël à proximité des stands du marché de Noël au cœur du village. Les temps forts des festivités ailleurs de Noël 2021. Et oui, retour sur les temps forts de cette parade magnifique et merveillée pour ce lancement des festivités de Noël 2021. Avec le groupe Les Enjoliveurs, Les Éléphants, et pourquoi pas, c'est la fête ailleurs. Là, ça va être la parade de Noël de Coutances. Oyez, oyez, Chambliens et Chambliennes, pour la période des fêtes, Chambly s'illumine. Avec les enfants qui s'amusaient, que le chaudron de la barbe à papa faisait des impatients, les enfants chantaient Petit Papa Noël à proximité des stands du marché de Noël au cœur du village. Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens, notre ville, vous le savez, vous l'avez vu, se prépare depuis plusieurs semaines à notre festivité de Noël. Nous avons voulu, tout en faisant un vrai effort de sobriété, en disant par exemple, les décorations de Noël, l'ensemble des illuminations se sont éclairées dans notre jolie ville. Eh bien, je suis bien heureux des festivités. J'ai mangé des crêpes et j'ai bu un vin chaud. Moi, je vous propose une bonne bouteille de rhum arrangé à la poire. Les poires viennent du Tremblay. Je fais travailler les artisans de la Savoie. Tout se passe très, très bien ici à la Ravoire. Le marché de Noël est extraordinaire. J'ai des super clientes qui sont là, rien à dire, tout est parfait.